Tu m'as dessus chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour. Ebayenga mami, ebayenga yé, ebayenga na motema yadié. Tokande osala kangai boye, ngana ke mosala yo na bare, nakangi yo na mobali na bare, bozali komela. Balobaka na ngai nandimaka te, lobela ngai nini olingi mama, soki mpe mosolo kobanga te. Dessus chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour. Thank you. kaka na mokili oyo confiance ezalite nakopanga motema mpota boti na yo bana mami tu m'as déçu chouchou je suis resté ignoble vraiment je suis touché par tout